Red Bull Céleste, le cœur sur l'estomac. Que la vie que je mène n'est point pour les lacs. Me raconte pas ta vie, la mienne est déjà assez compliquée. Même en bas de l'échelle, j'aurais toujours de quoi répliquer. Encore des pensées noires dans mon errance de chien, à traîner mes bagages comme un connard à travers différents chemins. Va savoir où la nuit mènera, je ride sans angoisse. Ça fait 20 piges que je fais du surplace à me baiser la carcasse. J'écris le mieux quand je suis dans le mal, aucune règle du jeu, le tout c'est de savoir garder le mental. Quelques signes de soucis apparaissent sur mon visage, trou dans la barbe, perte de poids. Bien sûr la street nous saccage, ma fille grandit, je sens déjà la distance faire son taf. Quelques larmes dans mes écrits, c'est que le premier paragraphe. J'ai beau me remettre en question, j'ai plus aucune réponse. Enfermé sur moi-même face au miroir, les sourcils se froncent. Celui que j'y aperçois n'est pas à l'auteur de mes espérances. Quand je fais le bilan, pas de fil conducteur, t'es sale expérience. La folie gagne du terrain et elle me file le train, peu en réchappe. Y'a pas à dire, c'est une vie de timbre. J'avance perdu, le regard dans le vide, la tisse donne le vertige. Je me suis fait happer par la rue, j'avais aucune maîtrise. Des gens m'idolâtrent pour le mec raté que je suis. Je préfère y rester anonyme, avoir réussi à ma vie. Mon cœur réagit moins aux sentiments qu'on a envers moi. J'ai toujours pas noyé le chagrin, vas-y Vietto, resserre-moi. Mon cœur réagit moins aux sentiments qu'on a envers moi. J'ai toujours pas noyé le chagrin, vas-y Vietto, resserre-moi. La tête me céleste, le cœur sur l'estomac. Plus le temps passe, et moi je résiste à la pression. Que la vie que je mène n'est point pour les lacs. C'est vrai que les jours s'enchaînent et que je peux faire le temps. La tête me céleste, le cœur sur l'estomac. Plus le temps passe, et moi je résiste à la pression. Que la vie que je mène n'est point pour les lacs. C'est vrai que les jours s'enchaînent et que je peux faire le temps. Ok, chaque heure qui passe nous rapproche de la mort. Certains actes sont délicats, je tiens la vie à bras le corps. Des regrets, j'ai plus serré les poings que tendu la main. Ma nervosité m'a toujours écarté du droit chemin. Il est vrai qu'on réfléchit bien trop tardivement, bien trop frais et inflexible, catalogué délinquant. Je suis au stade où même la tisse n'arrive plus à m'égayer. NOSS, visage pâle, j'ai rarement bégayé. Seuls quelques souvenirs me rapprochent de mon fils. Je sais que j'ai souvent flairé, mais je mérite pas tout ce qu'on m'inflige. Pareil que tout se paye, je pense avoir assez banqué. Je subis une douce paye, je me demande bien où ta mère t'a planqué. J'ai de l'amour à revendre, certains sourires me manquent entre les proches partis et mon fils, quelquefois la haine des Orients. C'est pour les miens et ceux que j'aurais déçus. Me parle pas du paradis, je crois qu'il m'a pissé dessus. La tête me céleste, le cœur sur l'estomac. Plus le temps passe et moi je résiste à la pression. Que la vie que je mène n'est point pour les lacs. C'est vrai que les jours s'enchaînent et que je peux faire le temps. La tête me céleste, le cœur sur l'estomac. Plus le temps passe et moi je résiste à la pression. Que la vie que je mène n'est point pour les lacs. C'est vrai que les jours s'enchaînent et que je peux faire le temps.